15-25, activation orale, contraction avec de. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. Oh, mais où étais-tu? Tu étais à l'hôtel? Elle vous répondait. Oui, je viens de l'hôtel. 2. Tu étais au restaurant? Oui, je viens du restaurant. 3. Tu étais au quartier latin? Oui, je viens du quartier latin. 4. Tu étais à la cité universitaire? Oui, je viens de la cité universitaire. 5. Tu étais au cinéma? Oui, je viens du cinéma. 6. Tu étais à la banque? Oui, je viens de la banque. 7. Tu étais au bureau? Eh oui, je viens du bureau. 8. Tu étais à la maison? Oui, je viens de la maison. 9. Tu étais à la douane? Oui, je viens de la douane. 10. Tu étais aux États-Unis? Je viens des États-Unis.